C'est l'agent Guille. C'est l'agent Guille. C'est l'agent Guille. C'est l'agent Guille. Le 14 novembre. 14 novembre. Le 14 novembre. 14 novembre. Le 14 novembre. 14 novembre. On fête l'agent Guille. C'est l'agent Guille. On fête la la la la la Jean-Guille. La la la la la Jean-Guille. On fête la Jean-Guille. La la la Jean-Guille. On fête la la la Jean-Guille. On fête la la la Jean-Guille. La la la Jean-Guille. La la la Jean-Guille. On fête la Jean-Guille. Oh la Jean-Guille. La Jean-Guille. Oh la Jean-Guille. Le 14 novembre. 14 novembre. On fête la Jean-Guille. On fête la Jean-Guille. On fête la Jean-Guille. Le 14 novembre. On fête la Jean-Guille. Le 14 novembre. C'était la bonne.